Ce matin, nous allons faire une étude en Ézéchiel 36. Donc, si ça vous tente, si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, j'ai imprimé Ézéchiel 36. Donc, ça, c'est page 1. Ça, c'est page 2. OK? Il y a deux pages. Oui, oui. Donc, prends une copie. OK? Et je vais vous mettre, pendant que Martin fait distribuer les copies pour ceux et celles qui le veulent. J'aimerais mettre cette réflexion en contexte pour ce matin avec deux réflexions préliminaires. On arrive dans les premières réflexions préliminaires. On arrive dans les deux semaines avant Pâques. Et donc, dimanche prochain, c'est la fête des palmiers. Et en deux semaines, nous allons célébrer la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Qui veut dire que nous tombons dans cette partie de l'année lorsque, dans notre tradition chrétienne, on concentre sur qui est Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Et le texte que j'aimerais partager avec vous ce matin, en Ézéchiel 36, nous mettre dans une réflexion sur qui est Dieu. Pas qu'est-ce qu'il fait pour nous, mais qui est-il? Et j'ai choisi ce texte pour une raison très personnelle et très particulière. L'année passée, pendant que j'étais en sabbatique, j'ai décidé de lire tout l'Ancien Testament deux fois. J'avais un peu plus de temps, je n'étais pas pressé les matins, donc j'ai décidé de lire tout l'Ancien Testament. Donc, au début de l'année, je l'ai fait assez tranquillement. Mais à partir du mois d'octobre, j'ai décidé de le relire, mais de façon rapide. Donc, j'ai pris tous les chapitres, je les ai divisés par octobre, novembre, décembre, qui fait à peu près 10 chapitres par jour. Donc, évidemment, rendu au 29 décembre, j'ai été légèrement retardé dans mes lectures, pour des raisons, mais ça va, ça va. Mais voici ce qui m'a frappé pendant cette lecture rapide de l'Ancien Testament. Je le savais auparavant, mais cette fois-ci, ça m'a tombé en pleine face. Dieu haït les idoles. Dieu déteste l'idolâtrie. Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quoi que ce soit. Un autre Dieu, petit dé, une autre déesse, petit dé, un morceau de bois, un morceau de viande, un serpent, ça lui tente pas du tout. Et je savais que l'idolâtrie a été... horrifique. Mais en faisant cette lecture, j'étais vraiment frappé par le nombre de fois dans l'Ancien Testament que Dieu dit non aux idoles, que Dieu dit non à l'idolâtrie. Notre texte ce matin explique pourquoi. Et donc, depuis le mois de janvier, je suis dans une étude en Ézéchiel. Et le texte que nous allons étudier ce matin mettre cette réaction à l'idolâtrie en contexte. Et pour nous mettre encore dans le contexte de ma première réflexion, avec l'arrivée de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et son ascension, ce que nous allons maintenant célébrer pendant cette saison dans la tradition chrétienne. Jésus est l'antidote à toute idolâtrie, autant pour le peuple juif que pour vous et moi aujourd'hui. Mais j'arrive pour ça à la fin. Donc, lisons le texte. Qui veut le lire pour nous? Ésaïe 36, du verset 16 à 38. Donc, Ézéchiel 36, 16 à 38. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, lorsque les gens de la communauté d'Israël habitaient dans leur propre pays, ils l'ont souillé par leur manière de vivre et leurs actes. Leur conduite était en effet aussi impure à mes yeux que l'impureté menstruelle. J'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils ont commis dans le pays et parce qu'ils ont souillé le pays par leurs idoles infâmes. Je les ai dispersés parmi les nations. Ils ont été disséminés en divers pays. Je les ai condamnés comme le méritaient leur conduite et leurs actes. Et lorsqu'ils sont arrivés chez les nations parmi lesquelles ils ont été bannis, ils m'ont déshonoré, moi qui suis saint. En effet, on disait à leur sujet, ces gens-là sont le peuple de l'Éternel, mais ils ont dû sortir de son pays. Alors j'ai eu égard à ma sainte personne que la communauté d'Israël a déshonorée parmi les nations où elle s'est rendue. C'est pourquoi, dis à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint, et que vous avez déshonoré parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. Je démontrerai ma sainteté, moi qui ai été déshonoré parmi les nations par votre faute, et ces nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel le déclare, quand je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux par mon œuvre envers vous. Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre cœur dur comme la pierre. J'enlèverai de votre être, oui, votre cœur dur comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser. Je le ferai abonder et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les récoltes des champs pour que jamais plus les nations ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Mais sachez-le bien. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, le Seigneur l'Éternel le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira ce qui est en ruine. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée. Et l'on dira, voyez-vous, ce pays, jadis dévasté, est devenu comme un jardin d'Éden, et les villes dévastées et démolies, qui n'étaient plus que des ruines, sont à présent restaurées et repeuplées. Alors les nations qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel, qui ai rebâti ce qui était démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, je l'ai promis et je le réaliserai. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Une fois encore, je me laisserai fléchir par la communauté d'Israël pour agir en sa faveur. Je les multiplierai comme un troupeau d'hommes. Les villes, aujourd'hui en ruine, seront remplies de troupeaux d'hommes, tout comme Jérusalem qui, lors de ses fêtes culturelles, fourmille d'animaux consacrés. Et l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel. Permettez-moi dans un premier temps de juste commenter très brièvement Ézéchiel. Qui est-il? Juda, à l'époque de ce texte, s'est trouvé en exil. Deux siècles avant, les Syriens avaient attaqué le royaume du Nord, qui était Israël, avec sa capitale à Samarie, et les Juifs, ces Juifs-là, ont été dispersés. En 587 à peu près, Nebuchadnezzar, avec l'armée de Babylone, a pris Juda et Jérusalem en captivité et les a aussi dispersés en exil. Et Ézéchiel était un des premiers, chronologiquement parlant, de se trouver dans une petite localité dans les banlieues de Babylone, la capitale de Babylone. Son nom veut dire que Dieu me rende fort. Donc, il y a quand même une contraste dans le texte. On est en exil, qui veut dire on n'était même pas puissant, assez puissant pour nous défendre. Et voici un prophète qui se trouve en exil, que Dieu me rend fort. Donc, chaque fois que les gens prononçaient son nom, c'était un peu un contraste avec ce que les gens vivaient. Et sa mission a été répétée deux fois dans le texte. Il était un sentinelle, un gardien. Qui veut dire que il y avait des sentinelles lors de l'attaque des Babyloniens qui n'ont pas assez fait leur job, leur boulot. Donc Dieu a envoyé celui qui s'appelle, que Dieu me renforce, pour être un sentinelle maintenant en exil. Le texte est assez chronologique. 14 fois dans le livre, Ézéchiel, ou l'auteur, celui qui l'a écrit, donne les dates. Donc, une certaine section se réfère à ces dates-là. Donc, on est vraiment dans le début de l'exil. Et le livre est aussi très chronologique. La première partie, les premiers 24 chapitres, c'est vraiment les oracles de jugement. Vous m'avez pas écouté, le voilà. Vous êtes en exil. Ensuite, au milieu, il y a les oracles concernant les autres nations, surtout Égypte et Babylone, qui ont fait une acte de complicité pour forcer les Juifs en exil. Et leur sort est bien décrit. Mais dans la section qu'on se trouve à partir du chapitre 32, maintenant c'est les oracles où les textes de délivrance, de promesses. Donc, on est vraiment dans la partie du livre où il y a un lueur d'espoir. Il y a une expression qui est répétée. Maintenant, si j'ai bien compté, okay, je n'ai pas utilisé mon ordi, donc j'ai pris le texte et la concordance. 70 fois. En citant Dieu, Ézéchiel écrit, afin que tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Donc, une fois que quelque chose est répété 70 fois, le lecteur doit dire, je pense qu'il veut communiquer quelque chose. Comme parent, hein, ou comme celui qui travaille avec les enfants, s'il faut se répéter à un moment donné, l'enfant doit dire, ah, je pense qu'il y a un message. Okay, on n'écoute pas toujours. Mais 70 fois, qui veut dire presque deux fois par chapitre, un message est envoyé afin que tu reconnaîtras, afin que vous sachiez, afin que vous soyez au courant que je suis. Et le nom pour Dieu qui est dans le texte, c'est le nom Yahweh, que je suis le Dieu de l'alliance. Je suis le Dieu de la promesse. Je suis le Dieu qui a établi un contrat, une alliance avec vous. Et je veux que vous soyez au courant de ça. Maintenant, pour le texte qu'on a, le passage que Franck nous a lu, que vous avez d'entre vous, se divise très facilement. Dans les versets 16 à 21, on est dans le contexte. Ézéchiel s'explique. Dans les versets 22 et 23, nous avons les intentions primaires de Dieu, ses intentions de tout premier lieu. Et à partir du verset 24, nous avons une description de l'avenir, la promesse que Dieu veut accorder aux Juifs qui se trouvent en exil. Donc, permettez-moi juste de commenter le texte selon ces trois sections. Le contexte, les intentions de Dieu et finalement la promesse. Et rendu à la fin, J'aimerais vous proposer une façon de contextualiser ce texte, de l'approprier collectivement et personnellement. Donc, lançons-nous dans le texte. Donc, le contexte. Regardez bien comment Ézéchiel décrit ce contexte, et c'est un contexte d'exil. Donc, vous le voyez au verset 19. Je les ai dispersés parmi les nations. Pour un juif, la pire possibilité, la chose la plus inconcevable, c'était d'être en exil. Mais Dieu avait très clairement dit dans les discours de Moïse en Deutéronome 27 à 29, si vous m'obéissez, je vais vous faire vous épanouir, fructifier dans vos villages, dans vos villes, dans votre pays. Si vous ne m'obéissez pas, je vais vous disperser parmi les nations. Donc, l'exil, c'était un peu, si vous faites ça, voici ce qui va arriver. Si vous ne faites pas ça, voici ce qui va arriver. Donc, l'exil était une conséquence. Mais dans la mentalité, dans la vision du monde juive, l'exil allait avec la honte. Maintenant, dans nos cultures québécoises occidentales, c'est comme on a évacué la honte de notre vécu. Si quelque chose m'arrive, peut-être je vais vivre avec une honte pour quelques jours. Mais si vous avez jamais étudié les cultures ou les sociétés orientales, japonaises, coréennes, sémitiques, arabes, juives, vous savez fort bien que la honte, c'est l'émotion qui prime. Peut-être vous avez entendu parler des pilotes d'avion, soit du Japon ou du Corée, lorsque un avion s'écrase. Et si le pilote survit, qu'est-ce qui arrive quelques jours après? Il se suicide parce que c'est une honte de faire tomber le sigle de la compagnie, le nom du pays. La honte est trop forte. Soyez pas étonnés. D'ici quelques semaines, si le président, si le grand chef du Toyota ne disparaît pas. Parce que ce n'est pas simplement que la marque Toyota est en jeu, c'est la réputation japonaise. Et c'est la même chose dans la tradition juive de l'Ancien Testament. La honte, c'est la pire des choses. Et l'exil allait avec la honte. Maintenant, pourquoi l'exil? Le texte le dit bien. Verset 17. Ils ont souillé par leur manière de vivre et leurs actes lorsqu'ils étaient en Palestine. Leur conduite et leur manière d'agir ou leur manière de vivre et leurs actes soulignaient tout ce que Ézéchiel avait déjà dit dans le texte. Le péché ou cette façon de vivre et les actes n'étaient pas simplement les actes individuels. Souvent, on réduit le péché à ce que moi je fais. Donc, ce qui est moral ou immoral ou illégal ou pas bon. Mais pour les Juifs, le péché et le mal étaient aussi un acte social. C'était quelque chose qui a mis de doute sur la collectivité. Et Dieu dit très clairement ici dans ce texte, vous êtes en exil à cause de ce mal qui est à la fois moral et social. Votre conduite et vos actes sont à la racine de l'exil. Mais ce n'est pas la seule raison. Regardez aussi le verset 18. J'ai répandu ma fureur contre vous à cause des crimes. Quand vous étudiez cette idée de crime en Ézéchiel, vous allez sûrement tomber sur ce texte. Et écoutez bien. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, Sodome, ta sœur et tes filles n'ont jamais agi aussi mal que toi et tes filles. Maintenant, Dieu est en train de dire, à cause de vos crimes, vous êtes pire que Sodome et Gomorrhe. Mais maintenant, faisons abstraction pour un instant. Parce que dans notre tête, dans notre façon de lire l'Ancien Testament, nous avons une idée dans notre tête de c'était quoi le crime de Sodome et Gomorrhe. Mais écoutez ce que Dieu dit via Ézéchiel. Voici quel était le crime de Sodome, ta sœur. Elle et ses filles étaient devenues orgueilleuses parce qu'elles vivaient dans l'abondance et dans une tranquille insouciance. Elles n'ont pas secouru les pauvres et les malheureux. Les crimes de Sodome et Gomorrhe, c'était l'orgueil, un matérialisme aigu qui a incité de vivre dans l'insouciance et vous n'avez pas secouru les pauvres et les malheureux. Et Dieu dit, vous êtes pire que Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe? Rasé. Donc, les crimes de Israël, de Juda, aussi ont expédié, ont facilité l'exil. Donc, il y a comme deux raisons ici dans le texte pour l'exil. Et maintenant, Dieu dit quelque chose de très intéressant. Il dit, vous avez agi comme ça pendant que vous étiez en Palestine, mais maintenant, je vois que vous faites la même chose au Babylone. Et maintenant, les Babyloniens, ils comprennent bien. Vous êtes ici, pas simplement à cause de la façon de vivre là-bas, mais vous faites la même chose ici. Et Dieu dit, ma sainteté est en question. La semaine passée, Michel nous a parlé du péché. Et encore, une autre façon de nous préparer pour Pâques. Et souvent, lorsqu'on utilise le mot sainteté, on pense à quelque chose qui est séparé du mal. Et notre façon, et même Michel l'a explicité la semaine passée, le péché, c'est de rater le cible, de manquer à la gloire de Dieu. Donc, il faut qu'on soit séparé de cela. Mais dans l'idée vétérotestamentaire, dans l'idée de l'Ancien Testament, la sainteté n'était pas simplement qu'il fallait être séparé du mal. Implicite dans le mot sacré, sainteté, saint, est aussi l'idée que Dieu est consacré à quelque chose. Dieu n'est pas simplement séparé du mal, il est très engagé envers quelque chose. Et le mot a ces deux sens, se séparer d'eux et consacrer à. Et pour nous, avec notre façon noire et blanc de voir les choses, c'est un peu difficile de tenir les deux idées en tête en même temps. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Dieu ne pouvait pas être simplement séparé du mal, du péché, de ce qui a été horrible, mais Dieu a été très engagé aussi. Donc, le texte dit que lui, il a décidé d'agir à cause de sa sainteté, ces deux choses dans sa personne. Donc, rendu à la fin du contexte, au verset 21, Dieu dit, « Alors, j'ai eu égard à ma sainte personne. » Qui veut dire que Dieu a eu pitié. Dieu a eu compassion pour lui-même. Donc, voici le contexte. Un contexte d'exil. Un contexte d'exil pour deux raisons. Leur manière de vivre et leurs actes et leurs crimes. Maintenant, Dieu dit, « Moi, je suis ému. Je suis dans ma personne, je vais agir. C'est à cause de ma sainteté, avec ces deux aspects. Donc maintenant, on arrive au verset 22. Et on est maintenant dans qu'est-ce que Dieu va faire? Quelles sont ses intentions? Et comme moi j'ai dit quand j'ai intitulé cette section, quelles sont les intentions primaires, primordiales, ses intentions avant tout? Maintenant, dans la façon qu'Ézéchiel a rédigé le texte, il y a une répétition. C'est drôle la façon qu'il a écrit en hébreu. C'est pas important. Mais écoutez bien. Voici ce que dit le Seigneur éternel, verset 22. « Je vais intervenir, et ce n'est pas à cause de vous que je le fais. » Et tout d'un coup, on dit, « Ben voyons donc. » Après tout ce contexte, si moi j'aurais écrit le texte, moi j'aurais écrit « Dieu allait intervenir parce qu'il a eu pitié d'Israël. » Pauvre petit. Mais qu'est-ce que le texte dit? Je vais intervenir, j'ai eu égard, j'ai eu compassion pour moi-même. Dieu voyait cette manière de vivre et les actes, ces crimes par rapport à l'orgueil, l'insouciance, accumulation du bien, leur façon de ne pas bien traiter les pauvres. Et Dieu dit, « Moi, je vais intervenir à cause de ma propre réputation. » Et l'intention primaire de Dieu dans le verset 22, c'est Dieu a décidé d'agir à cause de lui-même. Il continue. Et, verset 22, que vous avez déshonoré parmi les nations, vous m'avez déshonoré, parmi les nations chez lesquelles vous êtes allés. Il continue, « Je démontrerai ma sainteté, moi qui ai été déshonoré parmi les nations, par votre faute, et ces nations reconnaîtront que je suis l'Éternel. » Donc, Dieu a décidé d'agir pas simplement pour sa réputation, mais deuxièmement, pour sa réputation cosmique, universelle, mondiale, globale. Qu'une fois qu'il voyait que les Juifs continuaient d'agir de la même sorte lorsqu'ils étaient en exil. Dieu a dit, c'est ma réputation qui est en jeu ici. Et c'est ma réputation, pas locale, mais globale. Peut-être vous avez vu au verset 18 que les crimes étaient reliés à leurs idoles infâmes. Quand vous étudiez l'idolâtrie dans l'Ancien Testament, vous apprenez très vite que les idoles avaient une influence très locale. Un dieu ou un déesse avait un pouvoir qui a été délimité géographiquement parlant. Et quand vous prenez le temps d'étudier toutes ces idoles, tous ces dieux, toutes ces déesses, toutes ces différentes façons d'agir païennes, disons, dans l'Ancien Testament, vous voyez que ces idoles, ces dieux et déesses, avaient une influence locale. Sauf Yahweh, sauf le Dieu d'Israël. Son influence dépassait des limites d'Israël. Et une chose qui a offusqué, par exemple, les Philistins, c'est que quand, par exemple, un des prophètes se trouvait chez eux, pensez à Samson. Samson, en juge, se trouvait en Gaza, sur la bande de Gaza, dans un pays qui n'était pas la Palestine, et misère. Il pouvait appeler à Dieu d'Israël d'agir chez eux. Et ça les a frustrés. Donc, ils l'ont passé au coiffeur. ils ont égorgé ses yeux en pensant maintenant, nous pouvons contrôler l'influence de son Dieu chez nous. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les cheveux se sont poussés. Les yeux ne se sont pas repoussés. Mais sa force est revenue parce qu'il se confiait de nouveau dans le Dieu d'Israël et l'influence de Dieu se retrouvait sur le banc de Gaza. Dieu n'est pas un Dieu local. Maintenant, on saute dans ce texte. Parce que vous êtes mon peuple, vous ne trouvez plus localement, vous êtes ici et vous faites la même chose, vous tarnissez. Vous déshonorez mon nom, même pas chez vous, mais ailleurs. Et moi, j'agis pour ma réputation, qui est une réputation globale, cosmique, universelle. Donc, Dieu le dit dans les versets 22 et 23. Il termine en disant, « Je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux. » C'est comme Dieu dit, j'ai essayé de me faire connaître auprès de vous, chez vous. Vous ne m'avez pas écouté. Vous n'étiez pas obéissant. Donc, vous êtes en exil, mais maintenant, misère, vous me rendez déshonoré chez l'autre. Je vais agir. Donc, Dieu agit pour sa propre réputation. Et c'est une réputation cosmique. Maintenant, verset 24. Maintenant, on est dans les promesses. Une promesse d'avenir. Et le texte commence. « Je vous retirerai des nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers où je vous ramène. » Et tout d'un coup, une des promesses, c'est que Dieu va repatrier Israël de l'exil. Et si moi j'ai bien fait le décompte ici, il y a 6 promesses que Dieu donne dans le texte. Je vais les énumérer. Première promesse, l'exil est terminé. Wow! On ne va pas passer l'éternité ici. Et Jérémie avait bien fait le décompte. Jérémie avait dit, « Vous serez en exil pour 70 ans, 2 générations, selon le calendrier juif. Mais je vais vous rassembler. Je vais mettre fin à l'exil. » Et effectivement, les livres de Esdras, Néhémie et Esther expliquent la fin de l'exil. Deuxième chose, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. La deuxième promesse est une promesse spirituelle. Donc, fin de l'exil, deuxième promesse, un renouveau spirituel. Deux fois en Ézéchiel, il utilise cette image. Je vais ôter de vous votre cœur de pierre. Voyez les métaphores qu'il utilise. Imaginez, un cœur de chair, un cœur de pierre. D'autres prophètes ont parlé du cou des Juifs. Vous êtes des gens raides. Et Dieu dit, je vais vous donner un cœur de chair. Un cœur qui pompe. Un pierre, ça ne bouge pas. Mais un cœur de chair, hey, ça pompe. Ça émet de l'oxygène, ça vit sur l'oxygène. Il y a du sang qui coule. Vous êtes spirituellement renouvelé. Et il continue. Verset 27. « Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. » Maintenant, Dieu parle de sa nouvelle alliance, son nouveau projet. Pour un juif, ça c'était, j'imagine, hallucinante. que Dieu allait faire la même chose pour chacun de nous, comme il a fait pour les deux bonhommes qui ont construit le tabernacle, comme il a fait pour David, comme il a fait pour certains prophètes. Maintenant, Dieu va mettre son esprit dans chacun de nous. Ça veut dire, hé, on est dans une nouvelle époque. Et c'est exactement ça que Dieu voulait communiquer. Il y aura une nouvelle alliance. Quatrième, quand vous lisez au verset 29, deuxième page, je vous délivrerai de toutes vos impuretés, je commanderai au blé de pousser, je ferai abonder, je vous enverrai plus la famine. Maintenant, il y aura une nouvelle écologie. Je ne sais pas si vous avez noté, mais dans les promesses, c'est comme la création va être complètement renouvelée. Et dans les promesses, Dieu dit, je vais repartir ma création. Cinquième, regardez dans les versets 36 et aussi en 38, Dieu dit, vos villes vont être renouvelées. Donc, il y aura un renouveau urbain. Je vais donner un nouveau portrait de vos villes. Et finalement, dans le texte, Dieu parle de nouveau des nations. Et les nations vont reconnaître que je suis Dieu. Donc, la promesse n'est plus simplement locale, mais la promesse est pour toutes les nations. Donc, une promesse, la fin de l'exil, une promesse spirituelle, une nouvelle alliance, un renouveau écologique, un renouveau dans les villes, et finalement, toutes les nations vont me reconnaître. Donc, un renouveau, une promesse cosmique. J'imagine que pour ces 10 000 personnes qui étaient en exil avec Ézéchiel, en écoutant ceci, j'imagine à leur place, moi j'aurais dit, Ézéchiel, tu es complètement malade. Nous voici privés de notre patrie, dépourvus, dépaysés, pauvres, on ne peut pas même chanter les chants de Juda à Babylone. Et vous pensez que ces 6 choses vont arriver? Ça se peut pas. Nous connaissons l'histoire. Voici ce qui me frappe avec l'histoire. C'est que certains Juifs se sont repentis. Et lorsque, 70 ans plus tard, l'exil a terminé, 44 000 personnes, selon Esdras, ont été repatriées de Babylone à Jérusalem. Donc, 4 fois et demi ce qui a été envoyé en exil. Mais nous savons, rendu à l'époque de Jésus et de Paul, 90% des Juifs vivaient toujours en exil, en diaspora. Donc Dieu a dû nommer un Juif fidèle à l'Alliance pour mettre l'exil à la fin, pour dire non à l'exil. Et il a nommé Jésus. Et Jésus a pris la honte, le péché, la désobéissance sur lui-même. Et il a été le Juif fidèle qui a même dit non à la mort. Et en Jésus, l'exil a été terminé. L'exil est fini. Il a pris tout ça sur lui-même. Et Dieu a envoyé son esprit et ses promesses ont été comblées. L'exil est terminé. Le Saint-Esprit vit en nous. On vit dans une nouvelle alliance, un nouveau projet. Et en tant que son peuple, nous travaillons pour le renouveau de nos villes, le renouvellement de la création et pour un rayonnement de cette alliance. Pas simplement localement, mais cosmiquement, globalement. Donc, ce texte est une avant-goût de ce que nous allons célébrer dans les 2 semaines à venir. Maintenant, application. En étudiant le texte, j'ai dit, so what? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'il y a une façon de le contextualiser, de l'approprier collectivement et individuellement? J'ai mijoté deux choses, deux forces culturelles auxquelles nous faisons face en tant que peuple de Dieu ici à Montréal. Si Dieu identifierait deux manières de vivre aujourd'hui, deux crimes de notre époque aujourd'hui. Et je ne parle pas de la société. Okay? La société, elle doit rendre des comptes pour elle-même. Je parle de nous en tant que peuple de Dieu. Il est tellement facile d'être pris par le matérialisme de notre société et par le hyper-individualisme de notre société. Le matérialisme, c'est je dépense, donc je suis. quand je ne vais pas, moi, je vais dans une librairie et j'achète un livre. Je pense, ou non, je dépense, donc je suis. Et il est facile de tomber dans cette mentalité sans y penser. Il est très facile de tomber dans l'individualisme de notre époque. Les chants que Sarah nous a fait chanter ce matin, c'est des bons chants, mais c'est des chants de nous, pas de je. Et même lorsque nous chantons les chants de nous, on pense simplement que je fais partie de nous. Ce n'est pas nous exclusivement. Ça ne fait même pas partie de notre mentalité. Et ce matérialisme et cet individualisme aigu ronge. Sans comme un virus sur notre façon de vivre pour Dieu aujourd'hui. C'est quasiment inconscient. Bon, moi, je les appelle une anesthésie. C'est comme je suis inoculé contre une spiritualité quotidienne. Et il faut que je pratique tous les jours, il faut que je dise non d'accumuler les choses. Honnêtement, une des raisons pour lesquelles j'aime donner à notre Église, j'aime donner aux autres œuvres chrétiennes de participer avec les dons de charité et de bienfaisance, c'est parce que je dis non d'accumuler autant que je peux. C'est une façon de dire non. Cet argent ne m'appartient pas. Je suis une intendant de ce que Dieu me donne. Et je donne aux autres, c'est une façon de dire non. Et la raison pour laquelle on vient ici chaque semaine, c'est parce que j'ai besoin de vous. Ça serait tellement plus facile de rester chez nous le dimanche, écouter la belle musique chrétienne, lire la Bible, vivre en tranquillité. Non, je viens ici pour dire oui à nous et de vivre en communauté. Mais le matérialisme et l'individualisme, surtout la hyper-individualité, c'est comme une anesthésie. On est inoculé. on vit dans une tranquille insouciance. Quand j'étais à l'hôpital pour mon épaule, comme vous savez, j'ai subi les deux opérations. Deux fois, j'étais endormi. Et les deux fois, les médecins m'ont dit, « Glenn, il faut que tu marches. Il faut évacuer l'anesthésie de vos poumons. Marchez. » Donc, les deux nuits que j'étais à l'hôpital, j'ai dû constamment faire des allées, des longeurs dans l'hôpital. Et un après-midi, ma fille aînée Jenna est venue et pendant une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, on est allé d'un bout à l'autre, okay, en placoté. Mais c'était une façon de faire évacuer, de faire sortir l'anesthésie. Mes amis, nous avons aussi besoin des pratiques spirituelles pour faire sortir le matérialisme et l'hyper-individualité de nos systèmes. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut agir pour sa propre réputation. Dieu veut agir pour que son nom soit reconnu globalement. Et ce texte est un texte pour nous rappeler qui est Dieu. Il n'est pas un Dieu local. Il n'est pas un Dieu qui va tolérer notre matérialisme et notre hyper-individualité. Ce n'est pas un Dieu qui veut que son nom soit tarni, déshonoré. Il va agir pour lui-même. Et imaginez, lorsqu'il a envoyé Jésus, malgré tous les bénéfices qu'on reçoit individuellement, il ne l'a pas fait pour Glenn. Il ne l'a pas fait pour nous, exclusivement. Il l'a fait pour lui-même, parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec une autre. Donc, dans les semaines d'ici Pâques et dans les semaines après, nous pouvons nous mettre dans le contexte d'Ézéchiel 36. J'ai eu égard pour moi-même et on va célébrer la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé d'agir pour faire éclater son propre nom. Et il nous a invités de le suivre. C'est franchement incroyable. Prions ensemble. Seigneur, mille merci pour ce texte et pour ce récit d'Ézéchiel. Et merci, Seigneur, que tu nous invites de te suivre. Toi qui es saint, toi qui es consacré, toi qui agis à cause de ton propre nom et de qui tu es. Et merci que tu nous as invités dans ton projet. Et pendant cette saison où collectivement, en tant que ton peuple, à l'échelle du monde, nous prenons le temps de commémorer comment tu as envoyé Jésus pour instaurer ton nouveau projet. Seigneur, nous voulons honorer ton nom et vivre selon ta volonté. Donc, merci pour qui tu es et pour ce que tu as fait. Seigneur, nous te demandons de nous diriger cette semaine pour que nous puissions agir à cause de qui tu es. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.